Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. Semaine au Mathieu Plante Show. Donc merci science, la qualité du sperme des Occidentaux continue de baisser. Donc nouveau déjeuner occidental, toast céréales et sauce hollandaise de mauvaise qualité. Dans Sigma Geek Scénic, c'est un satellite pour créer des éclipses artificielles. Trump trouve que ça irait très bien avec son bronzage artificiel, sa femme artificielle et ses cheveux artificiels. Et dans Television Television, The Office et 30 Rock pourraient revenir sur NBC. Le Mathieu Plante Show commence tout de suite. Et voici celui qui se permet de faire de mauvais gags de sperme, Mathieu Plante! On se permet de faire bien des affaires pour Mathieu Plante. Bonjour, bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui, dans l'émission de la semaine du 21 août 2017, comme toujours, la chronique télévisuelle Television Television, la chronique de sciences, technologie et médecine, merci science, le segment Geek CNX. Dans une demi-heure, je dirais, environ, ça va être la chronique sur les jeux vidéo avec notre collaborateur Frédéric Simon que j'accueille tout de suite. Allô Mathieu! Salut! Frédéric, ça va? Ça va bien, toi? Content de te revoir, ça fait quoi, un mois qu'on s'est pas parlé? Au moins, et plus! C'était un mélange de rediffusion et de chronique d'émissions musicales depuis les dernières semaines pendant que j'avais un autre emploi. Mais j'ai eu la chance de m'entendre. Oui, ben c'est ça, par surprise, hein, je t'ai même pas dit à l'avance, je fais une émission spéciale de 2 heures sur toi. Qu'est-ce que tu veux, je voulais que l'effet de surprise soit là. C'était là. Ça a fonctionné, génial. De quoi est-ce qu'on parle ensemble tout à l'heure? On s'amuse un peu aujourd'hui, un peu de liberté, on va parler quand même un peu d'actualité de jeux vidéo. Et qui dit actualité de jeux vidéo dit déception pour les gamers québécois. Ah oui! On s'en reparle tantôt. Ah, quelle nouvelle! J'ai hâte d'en parler avec toi tout à l'heure, d'un autre gamer à un autre, dans une demi-heure environ. Avant ça, par contre, on va faire la chronique Tout ce qui bouge. Dans quelques instants, on va y aller avec à pied, en voiture et dans les airs, comme toujours dans cet ordre-là. On a débuté l'émission avec une pièce qui s'appelle Huntington Beach Neon Cover par Imaginary. Et on se poursuit ça avec Yerms Mia. Yerms Mia, c'est le nom de l'artiste. Ouais. Voici Pegasus tout de suite, MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est fou. 89.5. Pegasus Nest Famicom 2A03 par Yermzy au Mathieu Plante Show. Et maintenant, c'est tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge, la chronique où on parle de tout ce qui bouge. On commence avec nos pieds, hein, à pied. La course à pied qui rendrait plus intelligent. Alors que démarrent les championnats du monde d'athlétisme 2017, certains pourront être tentés de se remettre au sport, inspirés par ces athlètes talentueux. De nombreuses études ont montré les bénéfices de l'exercice physique sur la santé et notamment ceux de la course à pied. Ainsi, des recherches parues en 2016 ont décrit comment la course d'endurance favorisait le développement de cellules nerveuses chez l'adulte. Ces travaux semblent donner raison au vieil adage « un esprit sain dans un corps sain ». J'allais le dire en latin, mais je suis pas rendu là encore dans mes langues. « Mens sana in corpore sano ». quelque chose comme ça. Bref, l'exercice physique est connu pour stimuler la neurogénèse, qui est la croissance de nouvelles cellules cérébrales dans une partie du cerveau impliquée dans la formation de la mémoire et l'orientation spatiale, donc l'hippocampe. En réalité, l'exercice n'apporte pas de nouvelles connaissances, mais il prépare le cerveau aux apprentissages. L'exercice intense permettrait le développement de nouvelles cellules qui attendent d'être utilisées. Deux études, l'une parue en février, on parle de février 2016 quand même, et l'autre en juin dans Cell Metabolism, décrivent plus précisément les mécanismes impliqués dans l'amélioration de la mémoire grâce à la course à pied. Dans la première étude réalisée sur des rats, l'exercice augmentait la neurogénèse dans l'hippocampe seulement si l'exercice était en aérobie et soutenu, ce qui est le cas de la course à pied. Des exercices High Intensity Interval Training, qui alternent de courtes séquences d'exercices anaérobie intenses avec des périodes de repos, ont également été testés. Ils avaient peu d'impact sur la cognition. Les chercheurs ont aussi regardé les effets d'exercices de résistance, comme soulever des poids, et il n'y avait aucune réponse sur la neurogénèse dans l'hippocampe. Par ailleurs, par rapport où il y a des animaux sédentaires, le maximum de cellules dans l'hippocampe était donc obtenu chez les rats qui couraient. Du point de vue moléculaire, l'exercice peut aider les apprentissages car il permet la production d'une protéine appelée BDNF pour Brain Derived Neurotrophic Factor. Celle-ci favorise la croissance de nouveaux neurones. L'étude donc a examiné la sécrétion de la protéine CTSB pour cathepsine B pendant la course. Cette protéine assiste l'expression de BDNF et a des effets bénéfiques sur la cognition en stimulant la croissance des cellules cérébrales adultes dans l'hippocampe. Chez les souris knockout pour CTSB, c'est-à-dire chez qui la protéine CTSB a été inactivée, la course n'améliorait pas la mémoire spatiale ni la neurogénèse adulte dans l'hippocampe. Or, chez le singe rhésus et chez l'homme, des exercices sur des tapis d'entraînement permettent d'augmenter la quantité de CTSB dans le sang et chez l'homme, les niveaux plasmatiques de CTSB sont liés à la mémoire. Tout ceci concourt à penser qu'en courant, l'homme augmente ses niveaux de CTSB, ce qui favorise la croissance de cellules dans l'hippocampe et donc la mémoire. Mais quel peut être l'intérêt pour l'organisme de gagner des fonctions cognitives et plus de mémoire spatiale en courant? Pour Vibar Kregal-Reed de l'Université du Kent et auteur d'un article sur le sujet dans The Conversation, ce serait une conséquence de la sélection naturelle. Il faut remonter à la préhistoire, à nos ancêtres chasseurs-cueilleurs pour comprendre ce lien entre la course et la cognition. En effet, dans un type de chasse particulier, la chasse à l'épuisement, ce qu'on appelle le persistence hunting, les chasseurs-cueilleurs devaient courir de longues distances en poursuivant leur proie. Sur ce long chemin épuisant, ils devaient être capables de se repérer. Aussi, la croissance de nouvelles cellules dans l'hippocampe et la stimulation de la mémoire spatiale devaient faciliter l'enregistrement de nouvelles informations, malgré la fatigue de l'organisme. On reste à pied. On dit que 3 km à pied, ça booste la créativité. Il va falloir changer la petite comptine. Hein? On évoque souvent les bienfaits de l'activité physique sur la santé physique et mentale. Et bien, voici une nouvelle preuve avec cette étude sérieuse qui suggère que la marche à pied, même à faible intensité, stimule la créativité. Musiciens, écrivains, philosophes ou scientifiques, ils sont nombreux à s'être livrés à leur art après leur promenade quotidienne, si bien qu'on en arrive à se demander si le secret de leur inventivité ne vient pas de ces randonnées. Peut-être bien que oui, en lire une étude parue en 2014 dans Experimental Psychology, Learning, Memory and Cognition. Donc, compte en commun, Rousseau, Tchaïkovski, Beethoven, Dickens, Socrate ou Darwin, évidemment, ils aimaient tous déambuler plusieurs fois par jour dans les rues de la ville ou de la campagne, à tel point qu'une légende est née autour des bienfaits de la randonnée sur la réflexion et la créativité. Mais jamais cette idée reçue qui traverse les âges n'a été vérifiée selon un protocole scientifique. Au mieux, des études ont effectivement montré que l'activité physique préserve les fonctions cognitives sur le long terme, sans parler des bienfaits pour le reste de la santé. Alors, Merle Opezzo de l'Université Stanford à San Francisco a voulu confronter cette hypothèse populaire à des méthodes rigoureuses avant de la valider devant les évidences constatées. En tout, 176 étudiants de la prestigieuse Université californienne ont joué le jeu. Plusieurs petites expériences ont été menées afin de tester l'aptitude de ces jeunes à la pensée divergente, processus permettant de tester la créativité avant ou après une petite balade à l'intérieur ou en plein air. Ces exercices décrits tout à l'heure ont été réalisés assis ou après une session sur un tapis roulant, tandis que d'autres se promenaient sur le campus, sur leurs pieds ou poussés dans un fauteuil roulant pour tester si l'air extérieur constituait un facteur stimulant. Parmi les expérimentations proposées, l'une d'elles consistait à trouver un maximum d'utilisation à un objet en 4 minutes, exemple à quoi peut servir un bouton. Je me rappelle d'avoir déjà mentionné cet exemple-là dans un autre article. D'autres peuvent s'en servir comme passoire ou les laisser tomber derrière pour retrouver son chemin. Voilà. Donc l'imagination pouvait suivre son libre cours, mais dans une certaine limite, celui qui répondait qu'un pneu pouvait faire office de bague de fiançailles n'était pas pris au sérieux. On donne souvent ces exemples-là un petit peu ridicules. Avoir marché dans une pièce exiguë sur un tapis roulant accroissait la créativité de 60%. Une autre tâche demandait même une inventivité plus poussée encore, au cours de laquelle il était demandé aux participants de former une analogie complexe à partir d'une expression. Une autre expérience de pensée convergente, dans ce cas, il n'y avait qu'une seule bonne réponse à trouver. Il fallait trouver le point commun entre une suite de mots. La créativité semble générée par une succession d'étapes, depuis la génération de l'idée jusqu'à son exécution. Néanmoins, il ne deviendra pas Léonard de Vinci qui veut, mais en cas de besoin, une petite promenade au fil de l'eau pourrait bien générer un concept spontané et prometteur, nous dit Futura Science. Les auteurs manquent d'imagination pour trouver les causes cachées derrière ce phénomène et se demande si d'autres activités physiques de faible intensité peuvent produire un tel flot de créativité. Mais on ne sait pas encore quel protocole utiliser. On parle de voiture autonome maintenant. Google veut protéger les piétons grâce à une carrosserie pliable. Un brevet déposé récemment par Waymo, qui est la filiale d'Alphabet, qui est la maison mère de Google, qui travaille sur la voiture autonome, décrit un concept de carrosserie capable de s'assouplir en cas de choc avec un piéton ou un cycliste afin de réduire la violence de l'impact. Après avoir imaginé des sacs gonflables extérieurs et un capot couvert d'un adhésif puissant, on en parlait dans les derniers mois, Google continue d'explorer des solutions inédites pour rendre ses voitures autonomes moins dangereuses en cas de choc avec un piéton ou un cycliste. La dernière trouvaille de la firme est étonnante. Waymo, donc en charge de la voiture autonome, vient de se voir octroyer un brevet pour un concept de carrosserie capable en quelque sorte de se ramollir juste avant un impact. Je cite, « La force de l'impact du véhicule est un facteur primaire dans l'ampleur des dégâts que celui-ci peut causer. » C'est ce qu'on peut lire dans le brevet émis par le Bureau américain des brevets et des marques, l'USPTO. Pour réduire la force de l'impact, Waymo a imaginé une carrosserie flexible dont la rigidité serait gérée par un système de tension fait de câbles, de ressorts ou de tiges. Lorsque les capteurs de la voiture autonome détecteraient l'imminence d'un impact avec un autre objet, en l'occurrence une personne, la tension serait réduite afin que l'élément de carrosserie puisse se déformer au maximum afin d'absorber le choc. S'il s'agit au contraire d'un contact avec un autre véhicule, la rigidité serait donc augmentée en conséquence. Très adaptatif. Intéressant donc comme concept, ça semble assez complexe à transposer sur des voitures de série qui doivent répondre à des normes très strictes en matière de résistance aux impacts. Et de plus, son efficacité réelle reste à démontrer. On va bien sûr suivre le dossier. On reste dans les voitures autonomes. La voiture autonome de Google qui apprend à reconnaître les voitures, les véhicules en fait en général d'urgence. Donc encore une fois, Waymo, dédié aux voitures autonomes, travaille à intégrer dans son intelligence artificielle la reconnaissance des véhicules d'urgence comme ambulances, police et pompiers afin d'adopter la conduite adéquate. Après avoir appris à reconnaître les cyclistes en tant qu'usagers de la route à part entière, les voitures autonomes de Google s'entraînent désormais à réagir de façon appropriée en présence de véhicules d'urgence, que ce soit voitures et motos de police, camions de pompiers, etc. Donc récemment, Waymo, en charge du programme de voitures autonomes, a réalisé une journée de test en collaboration avec les services de police et les pompiers de la ville de Chandler, en Arizona. Les nouveaux monospaces autonomes Chrysler Pacifica Hybrid avec lesquels Waymo travaille à présent sont équipés de nouveaux capteurs audio. Ceux-ci leur permettent de détecter les sons et les lumières émis à une distance plus importante qu'avant. Ces informations sont analysées par l'intelligence artificielle du système qui détermine la provenance du signal sonore et l'identifie. Pour cela, les voitures de Waymo ont collecté une bibliothèque d'échantillons dans des différentes sirènes utilisées par les véhicules d'urgence évoluant à différentes vitesses, distances et approchant sous divers angles. Waymo explique que ces voitures autonomes sont capables de se ranger sur le bas-côté si elles détectent un véhicule d'urgence arrivant derrière elles ou bien de céder le passage à une intersection. Ils disent qu'ils vont pouvoir reconnaître un véhicule d'urgence même si ils l'ont jamais rencontré auparavant avec l'intelligence artificielle vraiment très cool. Toujours en voiture, la Tesla Model S100D bat un record d'autonomie. En Italie, donc, les membres d'un club de propriétaires de Tesla ont établi un nouveau record d'autonomie. Ils ont réussi à parcourir un peu plus de 1000 km au volant d'une Tesla Model S100D, une première pour une voiture électrique de série, mais les conditions pour battre un tel record ne sont pas réplicables en usage courant. C'est un record très symbolique qui vient de tomber pour la première fois. Une voiture électrique de série a parcouru plus de 1000 km avec une seule charge de batterie. La performance a été accomplie par le Tesla Owners Club Italia avec une Tesla Model S100D qui a couvert très exactement 1078 km en 29 heures sur les routes de Salerne en Italie. Un record aussitôt salué par Elon Musk, le patron de Tesla, qui a récemment inauguré la commercialisation de la Model 3. Pour parvenir à franchir la barre des 1000 km d'autonomie, l'équipe de Tesla Owners Club Italia a pratiqué le hyper-miling, une technique qui consiste à conduire une voiture à essence ou électrique à une vitesse constante et en sollicitant les freins au minimum afin de couvrir la plus grande distance possible avec un plein d'essence ou une charge. Dans le cas de ce record, la Tesla Model S100D a vu son bouchon de charge scellé par un huissier. Elle était équipée de pneus à faible résistance au roulement et a effectué son parcours dans des conditions bien précises, sans climatisation, vitesse constante de 40 km/h et recours au système d'assistance à la conduite Autopilot. Le précédent record avait été établi en juin dernier en Belgique par une Tesla Model S P100D qui avait parcouru 901,2 km. Bien évidemment, ces conditions particulières ne correspondent pas à la vraie vie, un usage réel quotidien. Sur son simulateur en ligne, Tesla annonce 551 km d'autonomie pour la S100D en roulant à 100 km/h avec la climatisation allumée et une température extérieure de 20 degrés. Mais ce nouveau record démontre qu'une autonomie de 1000 km est envisageable à moyen terme si on mise sur les progrès des batteries. Et après avoir touché le sol, décollons un petit peu dans les airs avec Perlan 2, le planeur d'Airbus qui lui aussi bat un record d'altitude. Soutenu par Airbus, le projet de planeur Perlan 2 veut voler jusqu'à la stratosphère. Mais avant ça, des vols d'essai se déroulent en Argentine. Un nouveau record qui a été battu récemment avec une altitude de 9900 mètres. En septembre l'an dernier, les vols d'essai du planeur Perlan 2 ont débuté dans le sud de l'Argentine, à El Calafate, qui offre des conditions atmosphériques propices au succès de l'objectif initial, l'objectif final de ce projet, qui était d'aller tutoyer la stratosphère en atteignant 90 000 pieds, soit 27 000 mètres, une altitude à laquelle aucun planeur n'a jamais volé jusqu'à présent. Le projet Perlan 2, qui a le soutien de Airbus, a été initié par Steve Fawcett, qui a établi le record actuel en 2006 avec Einar Enevoldsen en volant à 15 460 mètres sur le Perlan 1. Son successeur, le Perlan 2, vient donc de franchir une nouvelle étape vers la conquête de ce record. Airbus, a annoncé qu'il avait volé à 32 500 pieds, soit 9 900 mètres. Ce planeur pressurisé pèse seulement 816 kg pour une envergure de 27 mètres. Il peut emporter deux passagers et du matériel scientifique pour étudier notamment les ondes orographiques et le vortex polaire. Dans son communiqué, Airbus annonce que le Perlan 2 s'attaquera au record de 2006 au cours des deux prochains mois. Évoquant l'actualité récente avec la fracture d'un pan de l'Antarctique qui a donné naissance au plus grand iceberg jamais vu, le groupe aéronautique souligne que l'enjeu de ce projet n'est pas seulement d'établir un record. Je cite, « La mission Airbus Perlan 2 va nous permettre d'étudier une variété de phénomènes atmosphériques qui nous donneront à terme des modèles plus précis de notre haute atmosphère et des changements climatiques qui importent à tous les citoyens du monde. » La plupart, hein, il y en a que ça les intéresse moins, les réchauffements climatiques. On dira pas qui. Celui qui regarde directement l'éclipse avec ses yeux, non? Ouais, mais. Alors qu'on lui dit dans le public, genre, regarde pas l'éclipse, maudit maillet. Mais c'est le président, il a le droit de faire. Il a le droit, je suis président, il doit. Wow. Donc voilà pour le bloc tout ce qui bouge. Hein? Tout à l'heure, il va nous rester encore Television et un paquet d'autres chroniques. Après la pause, dans quelques instants, ça va être toi. Rappelle-nous ton sujet d'aujourd'hui, tes nombreux sujets, je pense. Hein? Ouais, actualité, speedrun, marathon. On va tourner autour de ça. Etc. Etc. Et voilà. Mais pour l'instant, on s'en va entendre. Ah, l'artiste que j'aime et que je joue beaucoup trop souvent, mais que voulez-vous, il sort des hits par-dessus des hits. Voici Amateur LSDJ et Distanced MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est Fou. Fin. pièce Distance de Amateur LSD DJ au Mathieu Plante Show. Hey, maintenant c'est d'un autre gamer à un autre. Semaine. Bonjour Frédéric. Allô Mathieu. Hello pour sa chronique sur les jeux vidéo, souvent rétro, des fois dans le présent, des fois même dans le futur. Oh. Ouh. Et on parle de plein de sujets aujourd'hui. Je sais que tu nous prépares des trucs pour plus tard dans la chronique. Je sais que tu vas parler de Super NES Mini, de Speedrun, paquet de trucs comme ça. Par quoi est-ce qu'on commence cette semaine, Frédéric? Ben tiens, on va commencer par la Super Nintendo. Oh, cool! Cool ou moins cool? Ouais, moins cool. J'ai hâte que tu me parles de ça pour voir si mon opinion là-dessus est erronée ou pas. Moi qui pensais peut-être aller faire du camping le 29 septembre pour aller attendre l'ouverture des magasins, ouais, et aller me procurer la Super Nintendo, peut-être que je vais pouvoir dormir dans mon lit tout simplement parce que la console présentement ne sortira pas au Québec. Au Québec. Présentement, parce que Nintendo, comme à son habitude, ne confirme rien, ne donne pas de nouvelles. C'est selon Denis Talbot, je crois que c'est sorti sur Internet. Oui, Denis Talbot en a parlé, puis plusieurs sources ont ensuite confirmé. Ce serait une question de langue. Question de langue. Il paraîtrait que ce serait deux jeux qui poseraient problème parce qu'ils n'ont pas été traduits. Parce que là, les gens sur Facebook, évidemment, sans lire la nouvelle ou sans avoir vraiment s'être renseigné là-dessus, ont l'air de dire que bon, c'est l'emballage qui est seulement en anglais, alors que la version en France est traduite en français. Il faut se rappeler que la console en tant que telle n'est pas la même physiquement européenne versus nord-américaine. Donc on pourrait faire un copier-coller de la console, du graphisme de la console au Québec, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est que les jeux à l'intérieur de la console, il y en a deux qui seraient pas traduits. Tout à fait. Et en fait, c'est pas un problème de loi 101. Beaucoup blâment la loi 101, ouais, mais en fait, c'est en accord avec l'Office québécois de la langue française et un autre organisme dont j'oublie le nom présentement, mais les jeux qui sont produits ailleurs dans le monde qui sont traduits en français doivent obligatoirement être produits en français pour le Québec, ouais, aussi. Donc, ils ont encore le temps de travailler là-dessus, sauf que c'est quelque chose qui est fait pour vraiment pas cher, la NES Mini, la Super NES Mini. C'est fait juste pour faire du cash sur les gens qui aiment beaucoup la nostalgie. Donc, est-ce que Nintendo va vouloir dépenser pour la production d'une traduction, si c'est pas déjà fait, et ensuite l'insertion dans le jeu, et ensuite il y a plein d'étapes là-dedans, c'est pas quelque chose de c'est simple. C'est sûr, puis en plus, ben, plus le temps avance, plus le temps de la production est réduit aussi. Ça sort quand, le 29 septembre? Le 29 septembre, que la date officielle de sortie en Amérique du Nord. Dans un mois environ. Et les précommandes sont envolées en un temps, en un temps record. Est-ce qu'ils pourraient genre faire imprimer le script traduit, puis genre arrangez-vous avec ça, une feuille cartable? Parce qu'il y a plusieurs façons, tu sais, tu peux y aller avec les sous-titres, comme dans les jeux plus récents. C'est pas toutes les compagnies, par exemple je pense à Capcom ou surtout les producteurs japonais qui raffolent pas de traduction en langue française, mais plusieurs autres compagnies comme par exemple Ubisoft, mais là Ubisoft surtout qui ont un studio à Montréal, produisent eux-mêmes leurs traductions. Mais oui, problème de langue, et c'est en fait Denis Talbot en a parlé, mais les commerçants ont en fait confirmer la nouvelle en affichant sur leur site que bon, la précommande ne peut pas être effectuée. Entre autres, sur le site de Best Buy, quand tu achètes certains articles, c'est écrit ne peut être livré au Québec. Oui, c'est ça que ça c'est fait. C'est le même principe, ouais, aussi avec eBay Games qui dit tout simplement que les commandes seront annulées si l'adresse donnée, ouais, est au Québec. De toute façon, même si vous aviez pu passer ça en précommande, ça a pris quoi, une demi-heure avant que tout soit écoulé? Ça n'a pas été très long. Ouais. Il y a quand même possibilité de faire shipper ailleurs, oui, si vous avez une adresse ailleurs au Québec. J'avais une tante en Ontario, peu importe. Hein. Mais bon, sinon, moi, je vais peut-être aller installer ma tante en Ontario. Tu vas pénétrer ta tante en Ontario. Non, bon, j'irai pas jusque-là, Mathieu. Quand même. Parle du camping, t'as parlé de camping tantôt. Oui. Oui, oui, je sais. Mais là, quand même. Quand même. Puis bon, c'est pas encore coulé dans le béton. Nintendo a encore le temps de se retourner. Est-ce qu'ils peuvent patcher ça sur Internet? Est-ce qu'il y a façon de télécharger la traduction sur la Super NES Mini? Je pense pas qu'il y ait de connexion Internet dessus, non? Il y a pas de connexion Internet en tant que telle. Par contre, comme on a pu voir avec la NES Mini, c'est possible de se brancher sur l'ordinateur parce que se branche USB. C'est vrai. Mais après, à partir de là, c'est simplement la programmation. Peut-être qu'un pilote pourra être installé, mais encore là... Il a fallu qu'il y ait une fente pour une carte micro SD pour pouvoir se mettre la traduction dessus. Je sais pas trop qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour contourner ça. Si la production est déjà faite, que les consoles sont déjà finies, complétées... Mais en faisant ça, ça ouvre encore plus la porte à des possibilités pour hacker la console. Voilà. Donc... Ça reste à suivre, mais il y a façon de s'en procurer d'autres ailleurs, de toute façon, juste beaucoup plus cher. Sur Kijiji, il demande en ce moment 250 et plus. Sur eBay, t'as cherché il y a quelques instants, et c'était combien? J'ai cherché pour la NES Mini, en fait, parce que... Ah, c'est vrai, t'as raison, excuse-moi. On posait la question à savoir, est-ce que c'est encore achetable? Oui. Autour de 200$ avec les frais de transport et tout, mais c'est encore cher. Ouais. Bref. On verra bien. Je m'attends pas à ce qu'à la sortie, ça soit en bas de 400$. Parce que c'était le cas aussi pour la NES Mini. Ah oui, tant que ça. Ouais. Bref, on va voir. On va voir. Déplaçons-nous maintenant du côté de l'Allemagne. Qu'est-ce qui se passe en Allemagne? C'est le Gamescom. Oh oui! 2017. Un peu leur E3, là. Oui. Une foire de jeux vidéo. C'est une foire de jeux vidéo qui vient en fait faire le pont entre le 3 et le Tokyo Game Show. Mm-hmm. Une période un peu creuse présentement dans l'industrie du jeu vidéo. Ça va repartir bientôt avec l'automne et plusieurs grosses sorties qui s'en viennent au mois d'octobre, mois de novembre. Les fêtes après ça. Mm. Et les fêtes, évidemment. Généralement, il n'y a pas de grosses annonces qui sont faites au Gamescom, mais il y a quand même plusieurs compagnies qui se déplacent là-bas pour aller présenter, que ce soit simplement les trailers, démos, ou qui vont faire des annonces, mais des annonces mineures. Comme par exemple avec Microsoft, qui parle de leur Xbox One X. Mm-hmm. Ils ont annoncé qu'ils étaient pour avoir des éditions limitées avec, par exemple, le Projet Scorpio. L'édition Projet Scorpio, c'était l'ancien nom de la Xbox One X avant qu'elle soit finalement révélée. Je mêlais toutes ces affaires-là de sortie. C'est pas encore sorti la Xbox One X. Non, mais la précommande commence. Okay. Là. Puis c'est ça, il va y avoir pour une édition limitée l'édition Projet Scorpio avec le logo d'un scorpion dessus. Puis ça a du sens. Les gens aiment ça, leur nom de code. Là. Oui. Ouais. Les noms de code. C'est vrai? Ils ont par contre révélé aussi qu'il était pour avoir des mises à jour et des jeux qui vont être compatibles 4K sur la Xbox One X. Puis sinon, ça a été vraiment beaucoup de trailers de jeux qu'on attend déjà. Par exemple, Assassin's Creed Origins, Age of Empires 4. Ça va être quand même intéressant. Sinon, du côté, par exemple, de Nintendo, on a... annoncé qu'en Europe, il était pour sortir une 3DS, une nouvelle 3DS XL, inspirée du Super Nintendo en Europe. Ah, cool! Tellement plus beau en Europe, tellement le Super Nintendo. Tellement plus beau, mais tellement pas d'annonce ailleurs dans le monde pour cette console-là. Ouais. eBay va être encore la place aussi pour Et voilà. Il avait sorti une version japonaise avec inscrit Super Famicom à la place de Super Nintendo. Ouais, mais c'est le même modèle en tant que tel. C'est le même modèle. Ouais, on s'en était parlé il y a quelques temps. La confusion règne sur les différents modèles de Super Nintendo. Mais sinon, pas d'annonce, pas de prix encore. Mm. On sait juste que ça va sortir au mois d'octobre en Europe. Okay. Cool. Sinon, pas d'annonce importante ailleurs. Encore une fois, des trailers de jeux qu'on attend comme Destiny 2 du côté de Sony. On a une autre console édition limitée cette fois de Gran Turismo avec la PlayStation 4 et les jeux de sport avec EA, Bethesda. On a des trailers de Evil Within 2 qui est encore plus effrayant que le premier. Je sais pas. Je joue pas à ces affaires-là. Mais ça fait pas mal de tour pour le Gamescom en Allemagne. Bon. Au moins des belles images à se regarder. Beaucoup de belles images. En fait, beaucoup de compagnies vont là pour show-off. C'est ça. On parle entre autres de Blizzard. Ah oui? Oui, qui ont été parlé de leur prochaine mise à jour de tous leurs jeux, mais qui vont surtout présenter leur cinématique pour, entre autres, Hearthstone. Ils vont probablement sortir une mini-série sur cet univers. Mm-hmm. Parlons maintenant speedrun. Speedrun! En fait, je voulais vous parler d'une chaîne YouTube pour commencer. La chaîne de Summoning Salt. Okay. Est-ce que tu connais Summoning Salt? Non. Il fait un travail très intéressant pour la communauté de speedrun. En fait, il a sorti une vidéo il y a 5 mois sur « Pourquoi faisons-nous du speedrun? » C'est en anglais. Ça sert à quoi? C'est du divertissement. Ça sert absolument à rien, comme la plupart des affaires qui sont faites pour le divertissement. Ben, en fait, il compare ça un peu à la natation. Ouais. Il dit « Pourquoi tu voudrais battre un record? » Vous voyez des runners faire des runs répétitives dans une séquence vraiment anodine pour améliorer une petite portion qui va leur faire sauver un millième de seconde dans une run d'une heure peut-être. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ben, pour la même raison que Michael Phelps fait des milliers d'allers-retours dans sa piscine. C'est drôle, ça c'est l'argument pour montrer que les jeux vidéo sont un sport. Moi, c'est mon argument pour dire que les sports, c'est aussi inutile que les sports. Mais c'est le fait que ça prend beaucoup de travail et que oui, c'est du labeur, que ça a l'air plate des fois de faire tout le temps la même chose, mais que ça rapporte des dividendes à la fin, si ce n'est que de la satisfaction personnelle. Oui, oui. C'est des bragging rights, c'est le droit de se vanter aux autres d'avoir été le plus rapide. Comme moi, j'ai le droit de me vanter d'avoir récupéré mon record du monde au Power Rangers. Et bravo! Mais ça, c'est une autre histoire. Tu vois, il se vante à la radio. Ah, et voilà. T'as une tribune pour te vanter. Mais j'ai le droit. Ben oui, t'as le droit. T'es pas président, mais t'as le droit. Je suis pas. Sinon, autre travail qu'il fait, il fait de l'historique pour ceux qui s'intéressent un peu aux statistiques et à l'histoire du speedrun. Ah, c'est pareil comme les sports, pour vrai. Là. Il y a vraiment plein de parallèles à faire. Quand même. Les statistiques. Il fait l'histoire des records du monde de certains jeux. Par exemple, avec Sonic 2 qui est sorti il y a 3 jours, il retrace le premier record qui est enregistré et parle des stratégies qui ont été découvertes depuis, quel temps a été enregistré, pourquoi que ça c'est plus rapide. Mm-hmm. Vraiment un travail intéressant. Je vous encourage à aller voir sa page. Donc, Summoning Salt sur YouTube. Summoning, comme dans summoning. Ouais, comme invoquer. Invoquer, c'est ça, j'avais aucune idée c'est quoi le mot en français. Invoquer. Summoning Salt. Invocation du sel. Du sel, oui. Sinon, toujours dans le domaine du speedrun, on sait que à Montréal, ça vient le 8, 9 et 10 septembre, le DreamHack à la place Bonaventure. Mm-hmm. Et il y aura un marathon de speedrun, encore une fois, avec la gang de No Reset. Je vais participer à ce marathon-là. Samuel Girard sera présent aussi. Cool. Et on amassera des fonds pour ce marathon. Ce sera pour la Fondation du Répit Saint-Louis, qui est une fondation située à Longueuil, qui, dans le fond, c'est un... La Fondation du Répit... Le Répit Saint-Louis offre des services de garde et de soutien pour des enfants qui ont des besoins particuliers. Par exemple, des enfants autistes. Ouais. Ce soit que, par exemple, l'été des camps de vacances... ou parlant des services de garde, par exemple les fins de semaine ou les journées pédagogiques, avec plusieurs intervenants. Donc, une cause qui tient particulièrement à cœur un des organisateurs de No Reset. Donc, voilà. Cool. C'est tout? C'est tout. C'est tout. C'est tout? J'étais comme, attends un peu, est-ce que j'ai oublié un sujet, moi? Non, t'as parlé de plein de choses j'ai aujourd'hui. J'ai parlé de plein de choses. En rafale. On aime ça. On va te garder pour le reste de l'émission. Oui. C'est le fun. Tu vas pouvoir participer à toutes nos autres chroniques. Ah. Et après ça, on va vous manigancer quelque chose avec Samuel Girard, qui, j'espère, va être de retour dans les prochaines semaines. C'est posé, là. C'est posé. À moins qu'il nous pose un lapin, c'est supposé. Bon. On t'écoute à Matière Noire les dimanches soirs. Pour la semaine qui reste, peut-être. Ouais, je sais pas quand le baseball finit le 31 août. Donc, j'imagine qu'il vous reste pas mal une émission. Une émission. Ouais. Hey, ça va vite. Ça va vite. En tout cas, bref. Moment live. J'ai Rock Généreux qui me vient de me texter. Il dit: tu m'as même pas dit que je participais au marathon. Ben, Rock aussi participe au marathon. Lui aussi est à Matière Noire, donc si vous voulez entendre parler de ça, peut-être que Matière Noire va aborder le sujet, on sait pas. Donc, Rock va faire Super Mario Bros. 3 et les aventures de Captain Comic sur DOS. Hein? Ça existe, ça? Ça existe. Waouh, ça en fait des choses à regarder, ça. Génial. Merci. Merci à toi, Mathieu. On écoute une petite pièce encore une fois. Là, mon obsession sur Amateur LSDJ va continuer encore un instant avec la pièce Forest. Et après ça, on revient avec Television. Vous êtes au Mathieu Plante Show sur C'est Fou. vous êtes assez fous. 89. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Friends, oui, Koopa, avec Garde la Tropopause. Oui, c'est vraiment le nom de la pièce. Avant ça, on a entendu Amateur SDJ et Forest au Mathieu Plancho. Et maintenant, c'est Television. Television, la chronique dans laquelle on parle de nouvelles télévisuelles depuis les dernières semaines, je dirais. D'habitude, je dis les 7 derniers jours, mais ça fait depuis le mois de juillet quand même. 24 juillet, à toi. 24 juillet, ouais, absolument. Ça a été un mélange, comme on l'a dit, de meilleurs moments et de reprises les dernières semaines. La voix que vous entendez, c'est celle de Frédéric Simon, qui est là pour qui restait en fait de sa chronique de gamer, de notre gamer à nous. Allô! Allô! Et je pense qu'aujourd'hui, la chronique Television, la façon que je vais t'intégrer à cette chronique-là, c'est de te demander si tu te souviens de quelque chose. Est-ce que t'écoutais VRAC TV au début des années 2000, genre? Oui! Est-ce que t'écoutais Smallville? Oui. Est-ce que t'écoutais, je sais pas, Veronica Mars? Est-ce que t'écoutais les frères Scott? Les frères Scott, oui. Sûrement. Donc, la chaîne VRAC, à partir du 4 septembre prochain, embarque un petit peu plus dans la nostalgie qu'avant pour la rentrée télé 2017-2018 en présentant de nouveau les nombreuses saisons des séries Les Frères Scott, Smallville, Veronica Mars et Twin Peaks. On rappelle que les frères Scott ou One Tree Hill, c'était les frères Lucas et Nathan Scott. Smallville, c'était le jeune Superman. Veronica Mars, c'était la courageuse et brillante adolescente. Et Twin Peaks, c'était le meurtre d'une jeune femme dans une petite ville. Donc une sélection d'émissions jeunesse nostalgiques à partir du 4 septembre. Évidemment, la définition du mot nostalgie quand on parle de séries comme Veronica Mars et Smallville, c'est comme à petite échelle, ça fait pas super longtemps. C'est relatif. C'est ça, Twin Peaks c'est plus vieux un petit peu, donc quand même. Mais je pense, et je le répète souvent quand on parle d'émissions rétro, à quand un vrac rétro? Ça fonctionnerait vraiment bien. Oui. Pour vrai, là. Ensuite, on reste. En fait, on s'en va un petit peu aux États-Unis. C'était pas mal la seule nouvelle québécoise qu'on avait. Même là, c'était pas super québécois. Est-ce que t'écoutais les Jetsons en dessin animé dans le temps? Je sais c'est quoi, mais j'écoutais pas vraiment. T'étais pas un fan. ABC aux États-Unis prépare un redémarrage d'une version live de l'animation Hanna-Barbera des années 60, les Jetsons, avec Robert Zemeckis comme producteur délégué. L'émission multicaméra, donc ça c'est le format sitcom devant public, a été commandée par le réseau ABC avec comme auteur Gary Gennetti, qu'on connaît pour Family Guy entre autres. Warner Brothers va produire la série qui va être basée sur les personnages de l'émission d'origine et qui se déroulera 100 ans dans le futur, produite par Gennetti, Zemeckis et Jack Rapke. Malgré son statut de série animée culte, The Jetsons a été diffusée que pour 75 épisodes, c'est pas tant que ça, en 3 saisons. À l'origine, pour une saison sur ABC en 62. Ensuite, ça a été rediffusé chez CBS et chez NBC. L'émission a été relancée en 1985 en ce qu'on appelle syndication, donc que plusieurs stations de différents réseaux pouvaient acheter. Elle a survécu là pendant 2 autres saisons. Au Québec, la série a été diffusée sur Télétoon et puis rediffusée sur Télétoon Rétro en 2008. Il y a eu un film en 90, Jetsons The Movie, et puis plutôt cette année, The Jetsons and WWE Robo WrestleMania est sorti directement sur DVD. Je ne savais pas ça. Dans les lignes des pierres à feu, la série met en scène une famille en projetant la vie américaine actuelle par rapport au moment de la création, bien sûr, dans une période donnée, cette fois-ci dans le futur au lieu du passé comme les pierres à feu. George Jetson est un homme comblé qui vit avec sa femme dans un grand et ultra-moderne appartement avec vue sur le ciel et dispose d'un emploi tranquille sous la direction de M. Espacito. Ah, c'est de là que ça vient, Despacito. qui lui mène quand même la vie dure, voilà. Ensuite, toujours aux États-Unis, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, entre autres, vont être les vedettes de nouvelle série qui va parler d'émissions du matin à la Salut Bonjour. Les Américains aiment beaucoup leurs nouvelles, hein? Ici, on va prendre deux actrices populaires du moment depuis les dernières décennies quand même, Jennifer Aniston et Reese Witherspoon. Selon le Hollywood Reporter, le duo, va travailler sur une série qui n'a pas de titre encore pour l'instant, qui va parler donc d'émissions matinales. Ça va être la scène médiatique de New York. Aniston n'a pas joué à la télé depuis Friends sur NBC il y a plus d'une décennie, alors que Witherspoon, elle, a joué dans Big Little Lies récemment, qui a eu une nomination aux Emmy Awards. The Hollywood Reporter nous dit que le projet n'est pas encore sur le marché. Ça devrait quand même être magasiné à des chaînes premium comme HBO, Netflix, sur Internet. Étant donné les noms qui sont attachés au projet, plusieurs réseaux devraient être assez intéressés. Donc le projet est basé sur une idée originale de l'ancien chef des dramatiques sur HBO, Michael Ellenberg, et sa nouvelle compagnie de production de films et de télé, Media Res. Jay Carson, qu'on connaît pour House of Cards, est attaché au projet pour écrire et produire exécutivement. Et puis le nominé aux Academy Awards, Steve Kloves, qu'on connaît pour Wonder Boys et Harry Potter, va être producteur exécutif. Witherspoon va aussi partager un crédit pour production exécutive et plein d'autres gens qui vont travailler là-dessus. Donc, des gros noms. Ça devrait avoir pas mal de succès dans les prochains mois, prochaines années. Ensuite, parlant d'un succès, Stephen Colbert, l'animateur de talk show qui a beaucoup de succès, et bien tellement il y a du succès en ce moment qu'on peut se permettre de lui offrir des projets comme une série animée inspirée de Donald Trump. Si tu regardes un petit peu le Late Show, des fois, il y a le personnage de Donald Trump, version dessin animé, qui est toujours bien drôle. Donc, il va avoir sa propre série sur la chaîne Showtime. Showtime qui a donc choisi de centrer ce projet-là sur la Maison Blanche de Donald Trump, selon Variety. L'émission qui vient donc de Stephen Colbert en tant que producteur exécutif. Il va y avoir 10 épisodes, ça va être diffusé à l'automne. La production va aller très, très rapidement. Ils vont produire ça juste avant la date de diffusion pour pouvoir rester vraiment dans les nouvelles, un peu à la South Park, qui est déjà sur le même format un petit peu. Donc ça va suivre l'avatar, la version animée du président Donald Trump et ses membres de la famille. On dit que ça va être de la comédie à la fine pointe. Ça va présenter les vraies, entre guillemets, aventures des confidents de Trump. Donc sa famille, ses associés, les chefs du gouvernement, les pros du golf et tout le monde autour de son orbite. Dans son orbite, oui. Donc il y a pas mal plus de détails dans l'article si vous voulez aller voir ça. Mais c'est une continuité pour Colbert et Showtime. Ils travaillent déjà dans la même famille, CBS et Showtime, c'est dans la même famille. Colbert qui avait travaillé, qui avait collaboré avec le réseau câblé pour son émission spéciale Stephen Colbert's Live Election Night Democracy Series Finale Who's Going to Clean Up the Shit, qui avait été diffusé sur Showtime récemment. Et puis c'est ça, ça va s'inspirer des personnages qu'on voyait déjà dans le Late Show. Pas mal ça. Ensuite, on reste aux États-Unis avec American Princess, une nouvelle série de Jenji Cohen sur Lifetime. Donc la chaîne qui a commandé American Princess, une série dramatique sur une femme mondaine qui commence à, une nouvelle vie après avoir quitté son futur époux le jour du mariage. Nouvelle série qui est une création de Jamie Denbo qu'on connaît pour Rana and Beverly, apparemment. A&E Studios et IM Global Television produisent la série, tandis que le duo qu'on connaît entre autres pour Orange is the New Black et Glow, Jenji Cohen et Tara Herman seront productrices déléguées aux côtés de Jamie Denbo. Liz Gately, vice-présidente exécutif, vice-présidente, j'imagine que c'est une fille, elle s'appelle Liz quand même. Responsable de la programmation pour Lifetime a déclaré que c'est un concept qu'ils aiment beaucoup car tout le monde a déjà pensé de changer de vie en période difficile. American Princess rejoint le catalogue toujours grandissant de séries originales sur Lifetime. Entre autres, on connaît Unreal, Mary Kills People et le prochain thriller psychologique You. Ensuite, dans le même domaine de commande de séries, CBS commande une série sur la vie de Jack Parsons. Est-ce que tu connais Jack Parsons? Moi non plus. On va le découvrir ensemble. David Lowery a réalisé l'un des films les mieux critiqués de l'année avec A Ghost Story. Et maintenant, son nouveau projet s'appelle Strange Angel. Il va raconter la vie de Jack Parsons, qui est un scientifique mythique et mystérieux, qui est un des principaux fondateurs du Jet Propulsion Laboratory et de l'Aerojet Engineering Corporation. Donc CBS All Access a annoncé à la tournée de presse de la Television Critics Association qu'ils ont commandé la série Strange Angel, une nouvelle émission qui suit la vie de Jack Parsons, série dramatique créée par Mark Heyman, qu'on connaît pour Black Swan, et basée sur le livre du même nom de George Pendle. Strange Angel explore le côté dramatique de l'alliance du génie, de la folie, de la science et de la science-fiction. Originalement développée par AMC, l'histoire suit la vie de Jack Parsons, un homme mystérieux et brillant des années 40 à Los Angeles, qui le jour développe des rockets, des fusées, et la nuit, le disciple du célèbre occultiste Aleister Crowley. Mark Heyman, David DiGilio, Ridley Scott et David W. Zucker seront producteurs exécutifs sur le projet, dirigé par Clayton Kruger et David Lowery, qui seront également réalisateurs. Toujours dans les projets, cette fois-ci dans les reboots, The Monsters. NBC planifie un reboot de la comédie The Monsters des années 60 avec Jill Cargman de Odd Mom Out, Seth Meyers et Universal Television. La comédie d'une demi-heure est en développement avec le réseau et suivra les membres d'une famille hors du commun qui s'efforce de s'adapter à la communauté hipster de Brooklyn. Cargman va écrire le scénario et va produire avec Seth Meyers et Mike Shoemaker de Seth Maker Shoemaker's Productions. La nouvelle a été signalée pour la première fois sur le site Deadline. C'est la deuxième tentative de NBC pour ramener cette émission classique avec Universal. Le réseau a diffusé un pilote du nom de Mockingbird Lane en 2012 avec Brian Fuller en tant que producteur délégué et Jerry O'Connell, Portia de Rossi et Eddie Izzard comme acteurs. Cependant, NBC avait décidé de ne pas commander de série. Récemment, NBC a annoncé le développement d'un redémarrage de Miami Vice. On va justement en parler dans quelques secondes avec l'équipe derrière de Fast and the Furious. Tiens, justement, c'est drôle, mais c'était la nouvelle suivante, par hasard total. Vin Diesel et NBC qui préparent un remake de Miami Vice. Donc, la chaîne de télé américaine travaille sur avec la star de films d'action, oui, Vin Diesel, sur un remake de la série policière culte, ont indiqué des sources informées du projet à l'agence France Presse. Le réseau télévisuel n'a pas annoncé officiellement le projet, mais ses sources précisent que la société de production de l'acteur de 50 ans, One Race Television, fait équipe avec Universal Television et Chris Morgan, qui a écrit 6 des épisodes de la saga d'action à succès Fast and Furious, dont Vin Diesel est la star. Il n'est pas encore certain que les comédiens jouent dans cette nouvelle adaptation, ont précisé les sources. Ce sera la dernière version modernisée en date de séries ou films mythiques datant des années 80, par exemple MacGyver sur CBS et Lethal Weapon sur Fox. Criminalité omniprésente, guerre de clans entre trafiquants de drogue, milliers de réfugiés haïtiens et cubains, émeute raciale. Miami était une ville en plein tumulte lorsque la série a démarré le 28 septembre 84, nous dit la presse. Les 5 saisons diffusées jusqu'en 1989 s'inscrivaient dans ce contexte, mettant en scène 2 policiers séduisants, un noir et un blanc. Souvent, sous couverture, il démasquait les proxénètes et les trafiquants de drogue en provenance d'Amérique latine. Les détectives Sonny Crockett, joué par Don Johnson, et Rico Tubbs, joué par Flip Michael Thomas, portaient des costumes pastels en lin aux larges épaulettes, conduisaient des Ferrari et des bateaux ultra rapides et séduisaient de jeunes femmes en caleçons longs, avec les plages et boîtes de nuit de Floride pour toile de fond. Voilà. Quelques années après Scarface de Brian De Palma, Miami Vice, récompensé par plusieurs Emmy et Golden Globe, a ainsi donné une aura sexy au bas-fond de Miami. Est-ce que t'écoutais, est-ce que t'écoutes encore, moi je l'écoute encore, The Office, la version américaine? Je l'ai commencé récemment. C'est super drôle. Hein? Est-ce que t'écoutais The West Wing à la Maison Blanche? Non. Non. 30 Rock? Non plus. Non. Avec Tina Fey. ER, salle d'urgence? Non plus. Non plus. Ben, tu pourrais peut-être te remettre dans le moule en les écoutant en rafale. Donc, NBC qui serait intéressé de relancer les deux comédies The Office et 30 Rock, ainsi que le drame politique The West Wing et la série médicale ER. Donc, la version américaine de The Office a commencé à être diffusée sur le réseau en 2005. Évidemment, on connaît le style documentaire qui fait fureur depuis. Ça a lancé les carrières de John Krasinski, Rin Wilson, Millie Kaling, Ellie Kemper et plusieurs autres. L'article dit Steve Carell, mais Steve Carell avait déjà une pas mal grosse carrière avant ça. En 2006, NBC a réuni pour la série 30 Rock, Tina Fey, Tracy Morgan, Jack McBrayer, Alec Baldwin, Gene Krakowski et d'autres. Après plusieurs saisons sur le réseau, les deux comédies ont terminé leur course en 2013. Dans les années qui ont suivi, les fans dévoués des deux séries ont rêvé de voir encore une fois leur série bien aimée à la télé, bien que ses espoirs aient été souvent jugés farfelus. NBC serait intéressé à ramener les deux en onde. Deadline indique que NBC est intéressé à relancer les deux séries, mais nous sommes encore loin de la coupe aux lèvres. Deadline mentionne spécifiquement que les rumeurs sur The Office seraient fondées et ça pourrait réellement être relancé, citant Greg Williams, qui est l'un des créateurs originaux, comme source. Cependant, le président de NBC Entertainment, Bob Greenblatt, affirme qu'il n'y a pas d'offre sérieuse pour le moment. Alors que la réponse de Greenblatt laisse un peu de place pour espérer que The Office pourrait effectivement revenir, sa réponse à un renouveau de 30 Rock semble moins probable. Il a dit, je cite, « Je dirais à Tina, « Hey, penses-tu que le retour de 30 Rock aurait du sens? » Elle dirait, « Je ne sais pas, peut-être. » Okay. Le réseau travaille actuellement avec Aaron Sorkin, le créateur de The West Wing, sur une version, une suite, voilà. Les citations sont tellement mal traduites par tvqc.com que je ne les relirai pas. ouais, non, pour vrai, c'est vraiment très mal traduit. Bref, on suppose que c'est des rumeurs pour l'instant. Je ne mettrai pas ma main au feu sur ces retours-là. Mais bon. Viacom a réussi à signer Tyler Perry, ce qui va faire mal au Oprah Winfrey Network, la chaîne OWN de Oprah Winfrey, qui était jusque-là le boss de Tyler Perry. Donc l'auteur, réalisateur, producteur, scénariste et tout ça a signé une entente à long terme avec Viacom. Monsieur Perry, qui est connu pour ses films de Madea, entre autres, il va produire 90 épisodes annuellement d'un drame original et d'une comédie originale pour BET et les autres chaînes de Viacom. BET, c'est la chaîne Black Entertainment Television. Viacom va aussi avoir des droits de distribution exclusifs au contenu court-métrage de Monsieur Perry. Et le Paramount Pictures, le groupe Paramount Pictures, va avoir les droits de premier regard sur ses concepts de films. Ça démarre pas tout de suite, par contre, les composantes télé et vidéo ne commenceront pas avant 2019, parce que présentement, il est encore sous contrat avec OWN, le Oprah Winfrey Network. Viacom, une fois que ça va entrer en 2019, ils vont avoir les droits jusqu'en 2024. Donc, succès pour Viacom, qui présentement a quelques difficultés avec la fusion avec CBS qui a été mise de côté. Donc voilà, au moins un point positif, Viacom et Tyler Perry. Ensuite, alors, toujours aux États-Unis, on va à l'international cette fois-ci. On parle d'une comédie musicale qui se déroule dans le Londres victorien. Donc, c'est une nouvelle comédie médicale, Quacks, qui se déroule à Londres à l'époque victorienne et met en scène quatre pionniers, amis et rivaux, luttant pour faire leur marque dans le monde et sauver des vies. Les années 1840, donc un moment où les médecins étaient aussi susceptibles de tuer leurs patients que de les guérir, lorsque la médecine qu'on tient pour acquis aujourd'hui était à ses balbutiements, et lorsque les médecins expérimentaient eux-mêmes et les uns les autres. C'est une époque où les dentistes engourdissaient la douleur avec du brandy, les fous étaient enchaînés et le spectacle d'opération était plein de spectateurs et de performances saignantes où les gens venaient voir un chirurgien battre son record de vitesse d'amputation. Donc Robert, joué par Rory Kinnear, est un chirurgien spectacle extraordinaire, oui, et ambitieux, qui peut couper une jambe en 92 secondes. William, joué par Matthew Bainton, est un psychiatre nerveux et gentil, ce qu'on appelait à l'époque un aliéniste, cherchant à transformer les soins mentaux. John, joué par Tom Basden, est un dentiste sauvage, hédoniste et devenu anesthésiste. Caroline, jouée par Lydia Leonard, est la femme de tête et la femme intelligente de Robert, qui est déterminée à lutter contre les préjugés masculins et le patriarcat de la société victorienne pour réaliser ses propres ambitions médicales. Et finalement, le docteur Hendrick, joué par Rupert Everett, le président de l'hôpital et le médecin de la royauté. Il déteste l'innovation et les jeunes, et les femmes et les patients, pas mal tout le monde. La série est produite par Lucky Giant, une société de NBC Universal International Studios en association avec Wellcome Trust. Quacks a été créé par James Wood et commandé par le responsable des comédies de la BBC, Shane Allen. Justin Davies et James Wood sont les producteurs délégués. Ce sera une série britannique de 6 épisodes qui vient de commencer sur la BBC 2. Voilà. Sûrement, peut-être si ça a du succès, une version doublée en français à Radio-Canada, comme toutes les séries britanniques se retrouvent là, tu sais. Pour vrai. Monsieur Selfridge, qui d'autre voyons, c'est quoi le nom? Downton Abbey. Oui. Entre autres, voilà. Ensuite, on va sur Netflix où on a signé la nouvelle série de Matt Groening. Donc Netflix, le premier réseau mondial de télévision en ligne, a commandé 20 épisodes de Disenchantment, la comédie animée fantastique pour adultes du créateur des Simpsons et de Futurama, Matt Groening. Dans cette nouvelle série animée du créateur des classiques susmentionnés, les téléspectateurs seront transportés dans le déchu royaume médiéval de Dreamland où ils suivront les mésaventures de la jeune princesse Bean qui boit fort, de son éloge Elfo et de son démon personnel Lucy. En chemin, le trio étrange rencontrera des ogres, des sprites, des harpies, des imps, des trolls, des morses et beaucoup d'humains fous. Disenchantment mettra en scène les voix de Abby Jacobson dans le rôle de Bean, Nat Faxon, Eric Andre, John DiMaggio qu'on connaît pour Futurama entre autres, Billy West aussi, Maurice LaMarche aussi, Chess McNeil des Simpsons, David Herman, Matt Berry, Ginny Baton, plein de gens qui travaillent déjà avec Monsieur Groening. Les animations seront faites par Rough Draft Studios qui a travaillé sur Futurama. Donc ça va être beau. La série va débuter sur Netflix, 10 épisodes à la fois à partir de 2018. C'est produit par The Hulu Company pour Netflix avec Matt Groening et Josh Weinstein, qu'on connaît pour The Simpsons et Futurama en tant que producteur exécutif. Ensuite, toujours sur Netflix, est-ce que t'écoutes les séries de Shonda Rhimes, le genre Grey's Anatomy, How to Get Away with Murder, Scandal? Pas vraiment, t'es pas forcé à écouter ça par ta blonde, rien? Non. Donc Grey's Anatomy, j'ai vu quand même quelques épisodes. C'est pas mauvais. Donc c'est à elle qu'on doit toutes ces émissions-là de télé américaine. Elle vient de signer une entente de plusieurs années avec le géant de la diffusion en ligne Netflix. Avec sa boîte de production Shondaland, elle croit que cette nouvelle aventure lui ouvrira de multiples possibilités pour réinventer et pousser plus loin les façons de raconter des histoires. Madame Rhimes quitte donc ABC après y avoir été associée pendant plus d'une décennie. C'est une énorme nouvelle, même si l'article est très très court. Ça reste que c'est vraiment une nouvelle qui va avoir des répercussions sur plein de choses. Pour l'instant, ces émissions sont diffusées sur le réseau généraliste et vont continuer de l'être tant et aussi longtemps qu'elles seront renouvelées. Mais c'est justement la raison peut-être que Shonda Rhimes a quitté ABC. C'est que plusieurs de ses séries récentes, Still Star-Crossed entre autres et plusieurs autres, ont été retirées des ondes après très peu d'épisodes. Donc peut-être que ABC est un petit peu plus conservatrice et a tendance à ne pas laisser aller les émissions très longtemps pour leur donner une chance, alors que Netflix le fait un petit peu plus. Donc peut-être que c'est ce qui l'a attiré, mais pour l'instant, on n'a pas de détails. Parlant de refus et de partir d'une place pour aller ailleurs, Katie Couric, c'était l'ancienne animatrice du Today Show sur NBC, l'ancienne animatrice des nouvelles sur CBS. Récemment, elle était employée chez Yahoo et a refusé une offre généreuse de la part de Yahoo pour rester. Elle était Global News Anchor chez Yahoo. Est-ce que tu savais ça? Non, hein? Personne regardait pas ça. Pas du tout. Personne savait ça. Mais bref, elle a dit non merci à une offre de plusieurs millions de dollars de la part de Yahoo. Elle a quitté la compagnie récemment. Une source a raconté à TVNewser.com que l'offre de Yahoo était très généreuse. Les chiffres exacts ne sont pas connus. L'animatrice a été engagée en 2013 à l'époque par Marissa Mayer chez Yahoo. Elle était la CEO, la directrice générale si on veut. Bref, elle était la première Global News Anchor de la compagnie. Elle a décidé ensuite de rester pendant la vente à Verizon de Yahoo. Couric a plusieurs autres projets télé quand même. Elle n'est pas au chômage. Elle va travailler sur des émissions avec script et sans script, donc des télé-réalités et d'autres, avec National Geographic et Netflix. Elle a quitté son agent depuis longtemps, Al Berger, pour aller signer avec WME-IMG, où elle va être représentée par une équipe robuste, avec entre autres l'ex-directeur général Ari Emanuel. Donc on souhaite plein de succès à Katie Couric. Pour vrai, tu peux pas mal faire mieux que Yahoo. Vraiment facilement faire mieux que Yahoo. Mais voilà, c'est tout pour Television. Beaucoup de nouvelles cette semaine. On retourne en musique avant de passer à Merci Science. On écoute une autre pièce, tantôt on avait entendu Friends Koopa avec l'extrait qui s'appelait Gare de la troupe pose. Voici encore Friends Koopa avec l'escadrille de scooters Ariane. MPS, le Mathieu Plante Show sur ses fous. We'll be right back. Castlevania Area of Sorrow, Clock Tower, c'est un cover qu'on vient d'entendre par le musicien et compositeur Chris Baines. C'est le bassiste du groupe de musique de jeux vidéo Rare Candy. Il a sorti un album solo mettant en vedette la musique de Chrono Trigger, Castlevania Area of Sorrow et Heavy Barrel. Tofu Makotoro est un album de 6 pièces avec du rock orchestral et des arrangements métal de différents jeux populaires. Vous pouvez retrouver ça sur son Bandcamp, lien sur assemblagerocky.com. Maintenant, c'est Merci Science. Merci Science, la chronique qui remercie la science d'exister. Pas le merci, on le sait qu'il existe déjà. On parle de gros dormeurs, pour l'instant, qui font plus de cauchemars. Les cauchemars seraient plus fréquents chez les personnes qui dorment plus de 9 heures par nuit, selon des chercheurs britanniques qui ont repéré aussi d'autres facteurs. Donc, si vous faites trop de cauchemars, faites sonner votre réveil plus tôt. Nous dit-on. Moi, c'est correct, je dors plus que 9 heures, mais réparti dans la journée. Ok, dans... tu fais des siestes, c'est comme un Mexicain sombrero à faire des siestes comme ça toute la journée. Olé! Olé! Personne aime faire des cauchemars, d'autant plus que ces mauvais rêves peuvent t'empêcher de profiter d'un sommeil réparateur. Les cauchemars sont fréquents après un événement traumatisant ou stressant, comme le décès d'un proche ou un examen, et chez les personnes qui souffrent d'un choc post-traumatique, par exemple attentat, guerre ou violence. Mais beaucoup font des cauchemars de temps à autre, et environ 5% de la population en ferait toutes les semaines. Les troubles psychiatriques sont associé à une fréquence de cauchemars plus élevée. Par exemple, la moitié des personnes qui ont une personnalité limite en ferait souvent et au moins 10% des schizophrènes en seraient victimes. De plus, les cauchemars sont corrélés à la détresse psychologique, l'automutilation et les comportements suicidaires. Mais quels facteurs favorisent les cauchemars? Pour répondre à cette question, des chercheurs de l'Université d'Oxford au Royaume-Uni ont mené une étude sur les cauchemars au sein de la population générale. L'équipe a recruté 846 personnes par des annonces dans les médias et dans des bases de données de candidats pour les études sur le sommeil. Les participants ont complété une enquête en ligne. Ils devaient par exemple indiquer le nombre et la gravité des cauchemars vécus au cours des 2 semaines précédentes. Ils ont aussi répondu à des questions sur leur vie, comme un divorce récent, tendance à se faire du souci, quantité de sommeil, consommation d'alcool. Et les résultats sont présentés dans la revue Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. Quelque chose du genre. Sans surprise, le fait de s'inquiéter pour l'avenir était lié au risque de cauchemar et à leur gravité. C'était même le principal facteur associé au cauchemar. En effet, si on rumine ses soucis en allant se coucher, ça augmente les rêves en éléments négatifs. Ça alimente les rêves, oui, en éléments négatifs, d'où le plus grand nombre de cauchemars. Car les rêves sont souvent le reflet des expériences vécues pendant la journée. Un cercle vicieux qui peut s'instaurer ensuite, les soucis quotidiens alimentent les cauchemars qui amplifient l'inquiétude le lendemain, etc. L'équipe a aussi trouvé un lien statistiquement plus faible entre la fréquence des cauchemars et le fait de dormir plus de 9 heures par nuit. Une hypothèse est que le fait de dormir plus longtemps augmente le temps passé dans le sommeil paradoxal, phase du sommeil où les rêves sont les plus fréquents. Ce phénomène pourrait se combiner avec les soucis, donc les personnes qui font des cauchemars ont tendance à avoir un sommeil perturbé, ce qui accroît leurs soucis et les fait dormir plus le reste de la semaine et ils font encore plus de cauchemars. L'exercice physique n'a pas paru associé au risque de cauchemars ni l'alcool, ce qui peut paraître surprenant. Les expériences hallucinogènes et la paranoïa étaient-elles associées aux cauchemars? Les chercheurs conseillent donc aux personnes qui dorment plus de 9 heures et qui font beaucoup de cauchemars de se contraindre à dormir moins. Triste. Ensuite, la qualité du sperme des Occidentaux continue de baisser, frère. Triste, t'aimes pas ça savoir ça. La concentration en spermatozoïdes du sperme a baissé de 52,4% entre 1973 et 2011 chez les hommes occidentaux, tandis que la quantité totale de sperme a chuté de 59,3% selon une méta-analyse scrutant 5 pays. Scrotum 5 pays, je pense. C'est ce que j'ai entendu. Le déclin du sperme et de sa qualité dans le monde n'est pas nouveau, mais ce qui alarme les auteurs de ces nouveaux travaux publiés dans Human Reproduction est que cette tendance continue à s'accentuer principalement aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Europe. Pour arriver à cette conclusion, des équipes de chercheurs internationaux, donc israéliens, américains, brésiliens, danois et espagnols, se sont basées sur 7518 études dont ils ont extrait 185 travaux portant sur 42 935 hommes dont le sperme a été prélevé entre 1973 et 2011, sélectionnés en fonction de leur âge, leur période d'abstinence, leur pays d'origine, indépendamment de leur fertilité. D'après les résultats, la concentration en spermatozoïdes du sperme a baissé de 52,4% entre 1973 et 2011 chez les hommes occidentaux, tandis que la quantité totale de sperme a chuté, comme je le disais tantôt, de 59%. Le nombre de spermatozoïdes moyens observé est de 80 millions par millilitre, tous pays confondus. Ce chiffre reste cependant dans la norme fertile de l'OMS qui estime qu'il faut un taux supérieur à 15 millions par millilitre pour concevoir un enfant. Selon les spécialistes, le phénomène pourrait être lié aux perturbateurs endocriniens, à ces substances chimiques comme les pesticides qui dérèglent le système hormonal. Autre hypothèse, les produits utilisés dans les plastiques et les cosmétiques ou encore l'obésité, la sédentarité, le stress et le tabagisme qui pourraient également avoir un effet néfaste sur la fertilité. Pour les auteurs de l'étude, il y a urgence à examiner les causes de ce déclin pour prévenir l'infertilité masculine et au-delà préserver la santé des populations, étant donné qu'une concentration diminuée en spermatozoïdes est associée à des taux de morbidité et de mortalité plus élevés. Le fait qu'on observe ce déclin dans des pays occidentaux, contrairement à l'Asie, l'Afrique ou les pays d'Amérique du Sud, suggère fortement que les produits chimiques jouent un rôle de cause à effet, selon les auteurs de l'étude. Une enquête publiée en 2012 dans Human Reproduction, consacrée exclusivement aux hommes français, montrait que la concentration en spermatozoïdes du sperme avait baissé d'un tiers entre 1989 et 2005, une baisse continue de l'ordre de 1,9% par an, aboutissant à une réduction totale de 32,2% au bout de 17 ans de suivi. Selon l'enquête, toujours chez un homme de 35 ans, le nombre de spermatozoïdes est passé de 73,6 millions par millilitre à 49,9 millions par millilitre en moyenne en 17 ans. Toujours au sujet du sperme, c'est rare qu'on dit ça. Toujours sur le sperme, une crème solaire à base d'ADN de sperme de saumon. Miam, est revenu dans le poil un peu. Revenu dans le poil. Des chercheurs expliquez ça à vos enfants avec d'autres termes, s'il vous plaît. Des chercheurs ont développé une matière à partir d'ADN de sperme de saumon qui agirait comme une seconde peau pour protéger des dommages provoqués par les ultraviolets. Une innovation qui pourrait aussi servir à protéger les plaies. En été, donc, il faut se protéger des UV. Ça, c'est l'émission de Mario Tessier et Anne-Marie Wittenshaw. Il faut se protéger de ça. Il faut pas regarder ça. C'est mauvais. C'est vraiment mauvais. Et des UV. Hein? En effet, les ultraviolets sont responsables des coups de soleil, du vieillissement prématuré de la peau et ils dégradent la fonction de barrière de cette dernière. Cancérogène, la lumière UV cause des dommages à l'ADN du génome. Des chercheurs ont voulu créer une couche sacrificielle appliquée sur le corps qui pourrait supporter ces dommages à la place de la peau sous-jacente. Dans un article paru dans la revue Scientific Reports, ils décrivent le film qu'ils ont mis au point. Celui-ci est composé d'un mélange d'ADN de sperme de saumon, d'eau et d'éthanol, créant un matériau cristallin et transparent. Les chercheurs ont voulu savoir comment l'exposition à la lumière UV modifiait les propriétés de ces films d'ADN. La spectrophotométrie a révélé que des films d'ADN avec une densité de surface allant jusqu'à 0,031 mg par millimètre carré réduisaient la transmittance de la lumière UVC et UVB jusqu'à 90% et celle des UVA jusqu'à 20%. La transmittance décrit le rapport entre le flux lumineux transmis et le flux lumineux incident. Les films ADN ainsi créés atténuaient donc la lumière UV tout en restant transparent. De manière intéressante, l'exposition à la lumière UV augmentait la densité des films aux UV. Plus le film était exposé à la lumière UV, plus il devenait efficace. Les chercheurs savaient que dans des solutions d'ADN liquide, il peut y avoir une augmentation de la densité optique grâce à la dénaturation des molécules d'ADN à cause de la température, du pH ou de radiation ionisante. Mais ici, les chercheurs ont aussi montré une augmentation similaire de la densité optique des films d'ADN grâce à l'irradiation aux UVB et aux UVA. L'exposition prolongée du film au UV améliorait donc la protection. C'est donc une notion imperméable aux UV. Oh boy! Oh boy, tu m'as battu! Tu m'as battu! Je suis jaloux de ne pas y avoir pensé avant. Merci, Christophe. Merci. On change un petit peu du sperme à la bave. Tu sais? Restons dans les fluides. Restons dans les fluides dégueulasses et collants. Une colle chirurgicale inspirée de la bave de limace. Après avoir étudié les propriétés de la bave de la limace, des chercheurs ont créé une glue à la fois solide et flexible qui pourrait recoller des plaies, même en présence de sang. Elle s'est avérée efficace sur un cœur de cochon. Redoutés des jardiniers amateurs, les limaces sont aussi une source d'inspiration pour les scientifiques. Le mucus collant et élastique produit par ce mollusque a permis à des chercheurs d'imaginer une nouvelle colle chirurgicale très prometteuse. Il existe déjà des colles chirurgicales pour réparer des tissus, mais elles présentent souvent des inconvénients comme le manque de solidité ou de souplesse. La colle peut être trop rigide parfois, toxicité pour les cellules, inefficacité en milieu humide et un paquet d'autres inconvénients. Dans la revue Science, des chercheurs de l'université de Harvard expliquent qu'ils ont étudié le mucus de limace commune en Europe, l'Arion subfuscus, pour créer une glue compatible avec les cellules et efficace sur des tissus en mouvement ou humides. La bave de limace contient une substance dure avec des protéines chargées positivement. Les chercheurs ont développé une variante de cette glue naturelle en utilisant des polymères chargés positivement dans un gel à base d'eau, donc un hydrogel. Les polymères forment des liens avec l'hydrogel et la surface des tissus biologiques pour les coller. Avec une autre substance qui favorise l'association, la nouvelle glue pouvait coller à la peau de cochon, mais aussi au cartilage, au tissu cardiaque, artériel ou hépatique. Elle collait à des tissus humides comme le cœur ou le foie, même s'ils étaient couverts de sang. Les chercheurs ont testé leur glue sur un cœur de cochon en train de battre et couvert de sang. La glue fonctionnait sur le cœur humide et en mouvement. Sous une forme injectable, la glue a réparé un trou dans un cœur de cochon et la réparation restait intacte après des dizaines de milliers de cycles de la pompe cardiaque, ce qui démontre que les propriétés du mucus des limaces peuvent inspirer la conception de nouveaux adhésifs et ces adhésifs ont des propriétés grandement supérieures à celles des adhésifs médicaux actuellement disponibles. Une bonne chose. On parle obésité maintenant. Une enfance stable réduirait les risques de surpoids. Selon une nouvelle étude, les personnes qui ont eu une enfance instable comme divorce, pas qu'ils se sont divorcés eux-mêmes, déménagement fréquent, délinquance, sont plus susceptibles de devenir obèses à l'âge adulte que celles qui ont grandi dans un environnement stable avec des repères. Dans l'objectif de trouver des clés pour prévenir l'obésité, une épidémie qui touche 17% des enfants et adolescents et un tiers des adultes aux États-Unis, des chercheurs de l'Université de Floride se sont intéressés aux causes psychologiques et comportementales de l'obésité remontant à l'enfance. Outre les expériences de stress en début de vie qui peuvent augmenter le risque d'avoir des problèmes de santé et de développer une maladie chronique à l'âge adulte, un cadre trop insécure relié le plus souvent à un milieu socio-économique défavorable pourrait pousser à trop manger plus tard dans la vie selon une étude qui vient de paraître dans PNAS. Expérimenter un environnement imprévisible dans l'enfance sensibilise les gens à l'idée qu'il est difficile de planifier pour l'avenir car, je cite, « si vous ne savez pas ce qui vous attend, vous vivez exclusivement dans l'instant présent ». c'est pas fou quand même. Ce contexte imprévisible tend à se concentrer sur le court terme plutôt que sur des buts à long terme, souligne l'étude. Ainsi, ces personnes auraient globalement des enfants à un âge précoce, dépenseraient de l'argent plutôt que d'épargner et seraient en recherche de satisfaction immédiate. À l'inverse, les enfants qui ont grandi avec des routines quotidiennes sont plus enclins à écouter leur corps et à manger selon leurs besoins, contrairement aux autres qui mangent sans avoir faim. Par conséquent, les auteurs de l'étude invitent les parents à instaurer des rituels de repas en famille pris à des horaires réguliers ou encore à mettre en place des heures de coucher identiques chaque jour. Ainsi, l'enfant peut évoluer dans un cadre structurant et éprouver un sentiment de certitude lorsque les attentes sont comblées, ce qui peut prévenir ou contribuer à prévenir au moins ou encore à réduire l'obésité à l'âge adulte. C'est bien beau, hein? Facile à dire, ça. Je crois que mes parents sont divorcés puis je le savais pas. Ça va pas. On les salue d'ailleurs. Tiens, le divorce va peut-être nous mener tous à avoir de gros seins, éventuellement nous les hommes. Parce que le cannabis qu'on pourrait fumer pour oublier nos problèmes pourrait mener à avoir des tétons d'hommes. Des man boobs. Man boobs. Man boobs. Moobs. Les moobs, exact. Le smoosh des deux mots, man boobs, moobs. Les spécialistes pensent depuis longtemps que fumer du cannabis fait pousser les seins des hommes. Aux États-Unis, un chirurgien plasticien rappelait déjà en 2013 dans la presse nationale l'ampleur du phénomène. On dit que 23 000 interventions chirurgicales ont été pratiquées. Selon les derniers chiffres de 2015, plus de 30 000 hommes ont eu recours à une réduction mammaire de ce côté-ci de l'Atlantique. Je pense que l'article vient de France, donc ici. Si le lien n'a jamais pu être avéré, la marijuana abaisserait les niveaux de testostérone. La chronique donc Science décalée de Futura Science ne s'intéresse pas à une étude publiée dans une revue prestigieuse, mais au texte d'Anthony Yoon, chirurgien plasticien à Détroit dans le Michigan, paru sur CNN.com en décembre 2013. On rappelle, chiffre à l'appui, que la consommation de cannabis peut avoir des effets secondaires particulièrement gênants pour les hommes, voire leurs seins poussés. Ce trouble, ce serait peut-être un nom scientifique, est la gynécomastie. Hein? Tout le monde sait ça. Bien que les personnes atteintes s'en vantent peu, elles sont nombreuses à être concernées. Aux États-Unis, en 2012, la Société américaine de chirurgie esthétique plastique, la SAPS, comptabilisait près de 23 000 hommes qui passaient sous le bistouri pour une réduction mammaire, faisant de cette opération plastique la cinquième plus pratiquée du territoire. Plus 30% en l'espace d'un an entre 2011 et 2012. Anthony Yoon précise qu'entre 33 et 44% des hommes entre 25 et 44 ans sont concernés. Pire encore, chez les adolescents, le score s'élève à 60% et atteint des taux similaires chez les plus de 50 ans. Selon le dernier rapport de la SAPS daté de mars 2015, ces chiffres sont encore une fois en hausse. 30 464 interventions de réduction mammaire ont été réalisées entre 2014 et 2015, ce qui représente une hausse annuelle de 26%. La SAPS ajoute que le traitement chirurgical de la gynécomastie a progressé de 173% depuis qu'elle a commencé à publier son rapport annuel en 1997. Quelles sont les causes de la gynécomastie? Plusieurs ont été identifiées. Certains cancers, à commencer ironiquement par le cancer des testicules, fait augmenter les seins, pardon. Des maladies, des troubles hormonaux ou la prise de substances actives contribuent à faire chuter le taux de testostérone. L'équilibre entre testostérone et estrogène se rompt, donc la balance penche en faveur des hormones sexuelles féminines et les caractères secondaires associés se manifestent comme les seins qui poussent. La plupart du temps, le trouble se résorbe tout seul, mais parfois l'opération est préconisée. Le chirurgien plasticien s'intéresse à une autre cause jugée plausible, qui est le cannabis. Donc, il a recours à la littérature scientifique afin de servir son argumentaire. En réalité, les chercheurs pensent depuis longtemps que la marijuana entraîne une diminution des sécrétions de testostérone, mais dans l'espèce humaine, les études sont difficiles à mettre en place du fait de l'illégalité de la drogue. Une recherche de 1972 montrait un lien direct, mais une autre parue 5 ans plus tard n'établissait aucune relation de cause à effet. Difficile donc d'être affirmatif. Les travaux qui comparent les niveaux d'hormones chez les fumeurs réguliers de cannabis avec les autres suggèrent malgré tout un effet délétère de la marijuana. Les résultats chez les animaux sont moins équivoques. D'après Anthony Yoon, la drogue abaisse bien les concentrations de l'hormone virile, diminue la taille des testicules et engendre un sperme de mauvaise qualité. Des modifications physiologiques, oui, qui peuvent donc avoir des répercussions sur la croissance des glandes mammaires. Pour lui, si le lien s'est pas avéré, il est tout à fait plausible et il invite les gros consommateurs de cannabis à mettre le joint de côté s'ils veulent s'éviter une déformation physique gênante et une éventuelle opération chirurgicale. Le discours tenu par Anthony Yoon n'est pas nouveau et repose sur des bases scientifiques assez solides. Le site Medline Plus, tenu par le National Institute of Health américain, évoque bien la drogue parmi les causes possibles et de nouvelles réponses pourraient être apportées dans les années à venir. Aux États-Unis, on dit que 33 des 50 États ont autorisé l'utilisation du cannabis à titre thérapeutique ou récréatif, si bien que les scientifiques disposeront de sujets d'études pour mener plus en profondeur leurs investigations.

Ce projet a été réalisé en collaboration avec l'université Shandong, l'hôpital Kilou et une association américaine qui œuvre en faveur de la cryogénie. Un refroidissement rapide pour conserver les tissus en bon état, nous dit-on. La cryogénisation n'est pas vraiment une congélation car il faut éviter que des cristaux de glace se forment et détériorent les molécules. C'est plutôt un refroidissement rapide utilisant des molécules qui visent à préserver au mieux les tissus. Mais à l'heure actuelle, la possibilité de ressusciter un corps ainsi conservé relève de la science-fiction. La cryogénisation ou la cryonie se base sur l'espoir qu'un jour les progrès de la médecine permettront de réaliser cette prouesse. Le mari de Jen Wallian est confiant, je cite, « J'ai tendance à croire aux technologies nouvelles et émergentes, alors je pense qu'il sera complètement possible de la ressusciter. » Il espère aussi participer à une expérience similaire quand son heure sera venue. Ainsi, si sa femme se réveille, elle ne se retrouvera pas seule. Ah, c'est beau, hein? C'est beau de vivre comme ça dans un monde d'espoir. J'ai pas ce problème-là. Et je pense que j'avais dit qu'on allait... faire un petit peu de CNX pour terminer l'émission. On a le temps de se prendre une minuscule chanson, je crois. Et si je me rappelle d'où est-ce qu'on était rendu dans les chansons. Attends un petit peu, on était rendu à entendre... Oui, on a entendu Castlevania tantôt. On va entendre une pièce, en fait, qui nous vient... ça nous vient d'un album qui remixe des chansons de Super Mario RPG. Voilà. Ouais, donc version dance un petit peu. Ouais, on s'en va entendre Super Mega Ultra Pipe House de Super Mario RPG. Et on revient tout de suite après avec une ou deux nouvelles de CNX. Bon, Mathieu Planchot. Wow! Ultra Pipe House, basé sur Super Mario RPG Super Pipe House. C'est sur l'album Game Music, c'est un album de remix par DDR Kirby. Donc Remixes Volume 1. Tantôt j'ai dit que c'était seulement de la musique de Mario RPG, mais c'est complètement faux. Complètement faux. Il y a d'autres remixes de d'autres jeux. D'ailleurs, on va se quitter tantôt avec un remix de Mario 3. Mais il y a aussi... qu'est-ce que les autres? Je connais pas les autres jeux. Final Fantasy, entre autres. Puis les autres, j'y connais pas. Maintenant, c'est le segment Geek CNX pour quelques instants. Dash.com. Cénix, la chronique de tout ce qui est cool, nouveau et extrêmement intéressant. Je voulais juste faire au moins une nouvelle, étant donné que je l'ai mentionné en intro et j'aime pas ça promettre des choses que je ne livre pas. Et on a parlé d'éclipses dans l'intro. Un satellite qui va créer des éclipses artificielles. L'éclipse totale du soleil, vous le savez, ça a traversé les États-Unis d'ouest en est. Ça a ravi des millions de gens. Le grand public, comme les astronomes amateurs, ont profité de quelques secondes de nuit en plein jour. Les astronomes professionnels ont braqué leurs instruments pendant. Oh, ils imaginent tellement braquer leurs instruments comme dans genre diriger leur engin masculin vers. Pour tous, ce temps d'observation a évidemment été trop court, d'où l'idée de l'Agence spatiale européenne de lancer en 2020 la mission Proba 3, capable de créer des éclipses artificielles de près de 20 heures. Les éclipses solaires sont des phénomènes astronomiques qui fascinent, mais sont relativement rares. Celle-là, totale, qui vient d'avoir lieu aux États-Unis, est la première depuis 99 ans, vous le savez sûrement. Elle a été visible sur une bande de 113 km de large passant par 14 des 50 États américains. Ces éclipses-là ne sont pas seulement attrayantes visuellement, elles ont aussi un très grand intérêt scientifique et sont un bon moyen, à bon compte, d'étudier la couronne du Soleil afin de mieux connaître la formation des éjections de masse coronale et le vent solaire. Cette région de l'étoile est la source du vent solaire qui souffle dans tout le système solaire et autres détails. Pour s'affranchir de la rareté de ce phénomène naturel, les astronomes utilisent des coronographes installés sur des télescopes terrestres ou à bord des satellites. Mais si le retour scientifique est intéressant, la taille du coronographe ainsi que la présence de lumière parasite restreint la portée scientifique de ces observations. C'est pourquoi l'Agence spatiale européenne a décidé il y a quelques années de financer la mission Proba 3, qui comprendra deux satellites dont un jouera le rôle d'occulteur afin d'éclipser le Soleil, tandis que l'autre étudiera le halo autour du Soleil. Lorsqu'ils seront lancés en 2020, ces satellites formeront un coronographe d'une taille de 150 mètres de long. Chaque éclipse artificielle produite par Proba 3 durera près de 20 heures contre seulement quelques dizaines de secondes pour les observateurs sans instruments et quelques heures pour les observatoires terrestres. La mission n'est pas simple. Ce vol en formation à 150 mètres de distance doit être très précis. Donc, vous pouvez aller voir un petit reportage là-dessus sur l'article qui est sur assemblagerequis.com. Voilà, c'est la seule nouvelle qu'on va faire dans ce bloc CNX pour cette semaine. Mais ne vous en faites pas. La semaine prochaine, comme on va être de retour à un horaire habituel plus régulier, on va pouvoir recommencer à faire des nouvelles geeks dans CNX. Merci, Frédéric Simon, d'être resté tout le long de l'émission. Ça fait plaisir. Merci à toi, Mathieu. C'est super plaisant de t'avoir. J'espère que tu vas refaire ça à un moment donné, rester pour l'émission au complet. J'aime bien ça. Bref, on se retrouve la semaine prochaine, toujours en direct, les mercredis entre 15h et 17h. Après nous, c'est Audiomatique, donc restez là pour de la musique électronique. On repasse aussi les samedis à 9h. On repasse les jeudis à genre midi, les mardis à 10h. Ça n'arrête plus les rediffusions, ça n'arrête plus. CIF.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions. On se quitte sur une deuxième pièce de la compilation tantôt dont j'ai parlé, avec la musique de DDR Kirby. À la semaine prochaine, bye bye!